Trying hard to fight these tears and crazy worry. Messing with my head, this fear. I'm so sorry. You know you gotta get it out. I can't take it. That's what being friends about. Vu que je cours après la chance, ça sera dur d'esquiver la crise. Dash, j'ai encore la grâce au mental et pas aux boules de cristal. Tout part en fumée, l'espoir se consume comme un cigare. Pour aller mieux, je veux pas d'un disque d'or, j'ai besoin d'un psychiatre. Sans valeur, donc je verse une larme à chaque centime égaré. La poisse est là car je peux voir 10 corbeaux au centimètre carré. J'écris face au malheur de certains, j'éprouve pas de peine. Pas de featuring car chez moi la solitude prend une page pleine. J'essaye d'avancer même si devant moi le ciel s'assombrit. Le moral qui dérape, c'est là que je me dis chaque sourire a son prix. Le manque d'amour fait que tous les soirs les jeunes se mettent la misère. Moi j'ai jamais compté sur le PS pour prendre un SMIC à 1007. Noirci ma feuille et je fais de ma jeunesse un constat troublant. Pour moi l'espoir c'est comme des taches de sang sur un costard tout blanc. Y a pas à dire, je deviens associable, associable. J'écris avec le cœur, c'est tant mieux si ça donne un son sale. Je me lève tous les matins, même le moral toujours en demi-teinte. Bloqué par le passé dans ma tête, je suis toujours en 2005. C'est quoi l'amitié, j'avec ça, cette putain d'époque. T'as pas une parano, mais plus t'as des zéros, plus t'as des potes. Mon cœur s'est usé car même l'espoir l'a pas rendu neuf. Un coup de foudre en enfer, souvent le diable avait l'apparence d'une meuf. Faut pas que je m'accroche, sinon ça finira en 15 pitres. Trop de remise en question, ma vie tiendra jamais en 15 titres. Je me nique la santé à vouloir puter la lassitude. D'autres gens voudraient danser, alors on m'a dit vas-y, lâche des tubes. J'ai plus la tête à ça, je vis comme une chute de 100 étages. Jusqu'ici tout va bien et ça ira jusqu'à que le sang s'étale. Je suis toujours objectif, même quand la haine m'attrape. J'avance tout droit en sautant par-dessus les haies de matraque. Suis la lumière au bout du couloir, la parole de les anges. Aujourd'hui je suis dans le trou car j'ai pris à cœur la parole des gens. Trying hard to fight these tears and crazy worry. Messing with my head this fear. I'm so sorry.